Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons voir les conditions de validité de l'attestation du monothéisme par Abdelrahman ibn Hassan al-Shir. Source Dora al-Saniya, volume 2, page 252 à 255. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la parole du monothéisme, il n'y a de vraie divinité qu'Allah, ne bénéficiera à celui qui la prononce qu'à condition qu'il sache ce qu'elle veut dire. Contester la divinité de tout autre qu'Allah, et désavouer l'adoration d'un autre qu'Allah, et n'adorer qu'Allah uniquement par toute forme d'adoration, comme dans le verset, dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous, nous nous sommes soumis. Sourate 3, verset 64. Commune entre nous et vous, c'est-à-dire que nous nous mettions à égalité dans l'adoration d'Allah uniquement, et l'abandon de toute forme d'idolâtrie. Et l'ami d'Allah, Ibrahim, que la paix soit sur lui, a dit, « Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui, en vérité, qui me guidera. » Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Sourate 43, versets 26 à 28. Tel est réellement le sens du témoignage qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Désavouer toute adoration vouée à un autre qu'Allah. Purifier l'adoration à Allah uniquement. C'est ça le sens de ce témoignage. C'est ce qu'indiquent les versets. Quiconque concrétise cela tout en le connaissant, alors il sait ce que signifie cette parole, contrairement à la plupart des gens, même certains prétendus savants qui ignorent ce que signifie réellement cette parole. Et après avoir pris connaissance de cela, il faut accepter ce que ce témoignage enseigne, à l'opposé du rejet, car beaucoup de ceux qui la prononcent ou connaissent son sens ne l'acceptent pas, comme c'est le cas des idolâtres de Quraysh et leurs semblables. Ils savent ce qu'elle veut dire, mais ne l'acceptent pas. Cela causa la désacralisation de leur vie et de leurs biens. Ils sont comme le dit Allah, quand on leur disait « Point de divinité à part Allah », ils se gonflaient d'orgueil et disaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» Sourate 37, verset 35-36. Ils savaient donc que cette phrase « Il n'y a de vraie divinité qu'Allah » leur imposait d'abandonner ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. L'exclusivité est également une condition essentielle, car elle s'oppose à l'association à Allah. Et Allah a dit « Dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. » Dit, « Je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible. » Dit, « C'est Allah que j'adore, et lui voue exclusivement mon culte. Adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. » Dit, « Les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes, et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. » Sourate 39, versets 11 à 15. Et Hidban rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah interdit le feu à celui qui dit qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, désirant en cela le visage d'Allah. L'amour est également une condition essentielle qui s'oppose à la haine. Une personne ne pourra connaître cette parole et l'accepter sans aimer cette pureté qu'elle enseigne, qui conteste la validité de l'adoration d'un autre qu'Allah. Quiconque aime Allah, il aimera sa religion. Et s'il n'aime pas Allah, alors il n'aimera pas sa religion. Allah a dit, parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Sourate 2, verset 165. Leur amour pour Allah et sa religion est donc exceptionnel. Ils aiment pour Allah et pour sa religion, et détestent pour Allah. Et le hadith dit, la religion est-elle autre chose que l'amour et la haine? Il est donc obligatoire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit plus cher aux serviteurs que l'amour de sa propre vie, ses enfants et tous les gens. Témoigner qu'il n'a de vraie divinité qu'Allah implique fatalement de témoigner que Mohammed est le messager d'Allah et implique de le suivre, comme le dit Allah. Dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Sourate 3, verset 31. La soumission est également une condition essentielle. Il faut se plier au devoir qu'exige l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah en pratiquant ce qu'Allah a ordonné et en cessant ce qu'il a interdit, et s'engager à cela. Ceci s'oppose à l'idolâtrie, car beaucoup de prétendus religieux sous-estiment les obligations et les interdictions, et n'y prêtent nul intérêt, alors que l'islam consiste à ce que le serviteur soumette son cœur et son corps à Allah, et se soumette à lui avec monothéisme et obéissance, comme le dit Allah. Si, quiconque soumet à sa face à Allah et fait bienfaisance, il s'est agrippé à l'anse la plus solide. Sourate 31, verset 22. Or, la pureté et la conformité à la loi d'Allah et de son messager sont essentielles à la bienfaisance des actes. La certitude est également une condition essentielle de cette parole. être certain de ce qu'elle signifie, ce qui s'oppose au doute et l'hésitation. Comme le dit le hadith, celui qui l'a dit en étant certain de son cœur, sans douter dessus. Et s'il n'en est pas ainsi, alors cette parole ne sera d'aucune utilité, comme nous le montre le hadith sur l'interrogatoire dans la tombe. La sincérité est également une condition essentielle. Cela s'oppose au mensonge, comme le dit Allah au sujet des hypocrites. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Sourate 48, verset 11. Le sincère connaît le sens de cette parole dans son cœur, et pratique ce qu'elle exige et implique comme obligation religieuse, et sa langue authentifie son cœur. Ce témoignage n'est pas valide tant que toutes ces conditions ne sont pas réunies, et c'est Allah qui accorde la réussite. Et Allah demeure le plus savant.